Il est déjà si tard? Oh, et merde. Vite, là, une ruelle. Je vais couper par là, ça devrait me faire gagner du temps. Ah, ça fait mal. Oh putain. Mais ça a marché. Mais t'es moi? Ouais. Sauf que je suis le toit du futur. Mais comment? Écoute-moi bien. Il y a deux types qui sont à tes trousses qui vont pas tarder à rappliquer. Alors faut qu'on se tire d'ici au plus vite. Anomalie temporelle repérée. Il est là-bas. Fais un geste. Le tien en joue. Oh, merde. Attention, pousse-toi. Tiens-toi tranquille, toi. Faut que tu te désengages un peu, le bleu. Oh, putain, je t'avais pas dit d'aller te faire voir, toi. C'est bon, j'arrive. Allez, tu m'as entendu. Alors, dégage. Merci. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Notre porte de sortie. Envoie ça, toi. Regarde, je règle la durée avec la molette et t'appuies sur ce bouton pour rejeter dans le temps comme moi. Allez, on a plus qu'à... Je te tiens. Je m'occupe de l'autre. Oh, et merde. Tire-toi avec la machine. Faut que tu préviennes le dos du passé de ce qui va arriver. Tu t'aimes, non? Et toi, pose cette machine ou je tire. Non. Va te faire... Va te faire voir. Bordel, ça lui a juste effleuré la gorge. Je pars à sa poursuite. Voilà. Calme-toi, le bleu. Pas besoin de s'exciter, le bignot. Mais c'est échappé. On voit bien que t'es nouveau dans le métier, toi. Le type qui s'est barré, c'est celui qui est à terre, maintenant. Quoi? Mais... Quoi? Et puis... Tu serais pas allé bien loin sans chronosynchroniseur. Tiens, récupère le sien. Oui, merci bien. Allez, zou. Bon séjour en prison temporelle, toi. Mais, quand j'y pense, si on n'était pas intervenu, il serait pas devenu une anomalie temporelle, non? Enfin, je veux dire que... Hop. Je t'arrête tout de suite. Si tu continues à trop y réfléchir, ça va te retourner le cerveau. J'ai connu un type une fois qu'on a même fini par douter de notre existence. Alors, contente-toi juste de suivre les ordres, d'accord? Si tu le dis. T'as plus d'expérience que moi, après tout. Exactement. Et en parlant d'ordre... Brigade 97, ici centrale. On a détecté une anomalie à témoins 2 minutes et 8 secondes depuis votre époque actuelle. Comme vous êtes le plus proche, vous pouvez aller jeter un œil. C'est comme si c'était fait, centrale. Je vous envoie sa signature temporelle. Over. Prépare ton chronosynchroniseur. Nouvelle anomalie détectée à témoins 2 minutes et 8 secondes. Ok, prêt à sauter. Tiens, c'est drôle. Il a la même signature que ton chronosynchroniseur. Bon, allez, c'est parti.